Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Nous sommes le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Les effectifs des personnes vivant avec ce virus vont croissant comme une viande de la province Bururi à cause du concubinage. Docteur Claudia Caneza, directrice de la clinique de Kigutu de la localité, l'a dit à notre correspondant. Entre-temps, la présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs ANSS regrette que la plupart des intervenants dans la lutte contre ce fléau ne concentrent plus suffisamment leurs efforts sur le volet prévention dans cette lutte. Vous entendrez Jeanne Gapia. Et la ministre de la Justice rejette l'idée de mise en place d'un observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide. La proposition avait été faite ce matin par les députés qui avaient invité Mme Laurentine Kanyana et Martin Iviabandi, le ministre des Droits de l'Homme, pour des questions orales en rapport avec le récent rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et puis, le projet de loi portant nouvelle réorganisation de la police burundaise, adopté hier par l'Assemblée nationale, contient malgré tout une disposition qui a été longuement débattue, à savoir l'autonomie de gestion de son corps au regard de ses implications sur le budget général de l'État. Nous ferons le point dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Le Burundi doit se ressaisir pour poursuivre les objectifs de l'ONU-SIDA dans la lutte contre le VIH-SIDA. Tels sont les propos de la présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs ANSS. Jeanne Gapia constate un relâchement dans la prévention de ce virus, mais salue comme, au même moment les avancées significatives que le Burundi a atteintes dans cette lutte, quoique la bataille n'est pas encore terminée. On l'écoute et elle répond aux questions de Joseph Sabiabandi. Si on fait l'état des lieux, il y a lieu d'être fier des avancées que notre pays a fait. Si on commence déjà par le taux de séroprévalence, les premières années qui étaient déjà dans les 15%, 20% dans certaines provinces, et qu'aujourd'hui on est à 3%, je pense qu'on est parmi les pays qui ont fait des efforts considérables pour que le virus sida et le taux de séroprévalence diminue sensiblement. Néanmoins, j'aime pas dire 3% parce que les 3%, ce sont des personnes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont des noms. Et ça reste toujours élevé si on sait qu'il y a des pays qui ont des taux de séroprévalence de 0,0 quelque chose. Donc, oui, il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Alors, les défis auxquels nous faisons face, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on essaye de reprendre les sensibilisations parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un relâchement qui fait que nous risquons de revoir le taux de séroprévalence augmenter. Les gens ont l'impression que ce n'est plus un problème. Le relâchement, c'est une erreur monumentale. Le VIH-SIDA reste une préoccupation. On n'a toujours pas les médicaments pour guérir cette maladie. Et les médicaments que nous avons au Burundi, c'est pas assez. Et puis même si c'était assez, c'est pas toujours facile de prendre des traitements à vie. Vous avez fait mention tantôt que dans d'autres pays, le taux de séroprévalence est en dessous de 1%. Est-ce qu'au Burundi, c'est possible de faire cette avancée? Absolument. Absolument, parce que aujourd'hui, la science a démontré comment on peut même arrêter les nouvelles contaminations. L'ONU-SIDA a fixé les objectifs à atteindre d'ici 2030. Et ces objectifs, c'est les 3,90. Le premier 90, c'est il faut que d'ici 2030, toutes les personnes, au moins 90% de la population burundaise, soient dépistées. Et 90% des personnes qui sont dépistées d'ici 2030 sont sous traitement ARV. 90% des personnes sous traitement traitement ARV ont une charge virale indétectable. Si une personne infectée a une charge virale indétectable, la personne ne contamine plus. C'est la meilleure prévention. Alors, si nous tous, à commencer par le gouvernement, on en fasse un défi et qu'on se dise qu'on doit atteindre ces 3,90, on peut même stopper le VIH-Sida dans notre pays. Oui, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est l'engagement individuel, engagement communautaire, mais c'est surtout l'engagement politique. C'était Jeanne Gapia, présidente de l'ANSS, jointe au téléphone par Joseph Nsabiabandi depuis la province de Makamba où elle s'était rendue pour remettre officiellement des maisons à des orphelins du sida dans le cadre des activités commémoratives de cette journée de lutte contre le sida, une journée mondiale comme je le disais. Et environ 600 personnes vivant avec le VIH-Sida sont prises en charge à la clinique de Kigutu, 6 ans commune Vianda de la province Bururi. Docteur Claudia Kaneza, directrice de cette clinique, parle des effectifs qui vont sans cesse croissant à cause des pratiques de concubinage et de mariages illégaux qui semblent s'enraciner surtout dans la plaine de Limbo. Jean-Pierre Misago. Comme l'indique Dr Claudia Kaneza, directrice de la clinique de Kigutu, 586 personnes vivant avec le VIH-Sida des provinces Bururi, Rumonge et Makamba sont prises en charge par cette clinique. Certains des services offerts sont le dépistage volontaire et l'octroi gratuit des ARV et des médicaments contre les infections opportunistes, mais aussi la prévention de la transmission mère-enfant. Comme le témoigne Charlotte Ndikumwenayo, rencontrée sur place, elle est à sa cinquième grossesse et a mis au monde un enfant séronégatif à sa quatrième grossesse alors qu'elle avait déjà attrapé le VIH-Sida. Docteur Kaneza fait savoir que 150 relais communautaires aident à acheminer les ARV jusqu'aux concernés sur la colline. Cependant, regrette Docteur Kaneza, les effectifs de personnes atteintes du virus du VIH-Sida ne cessent d'augmenter, passant de 65 en 2008 à 585 sur 30 novembre 2016. Et les places à l'actif de cette situation, le concubinage et les mariages illégaux sans dépistage préalable, surtout dans la plaine de Limbo, et appelle aux administratifs concernés de s'impliquer davantage dans ce combat. Jean-Pierre Misago depuis Kigutu, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Il n'y aura pas de génocide au Burundi, bien que des rapports de certaines organisations nationales et internationales ne cessent de le mentionner. C'est la réponse de deux ministres, celui de la justice et celui des droits de l'homme, lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Les députés voulaient en savoir plus sur le contenu du récent rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme sur le Burundi. Ceux qui osent parler de génocide le préparent peut-être contre les Burundais restés au pays qui sont contre leurs actes, ont-ils dit. Reportage signé Francine Ndihokugai, de retour de Kigobe. Leta yogenda ikavuga ngo tugiye gutegura guhonya ubwoko bigakunda igipolisi n'igisirikare cyogenda bakavuga ngo tugira tumara aba bigakunda kandi bose baba bari kumwe igiteka rero mu kino gihe iyi raporo giye bayikora itwayikora kanatsinda umushikangaje kwabati mu gihugu. Deux ministres étaient invités dans cette séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Martin Nivyabandi, ayant les droits de l'homme dans ses attributions, et Aimé Laurentine Kanyana, chargé de la justice. Les députés leur ont demandé d'éclairer l'opinion sur le récent rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue Iteka, évoquant un génocide en gestation au Burundi. Le ministre Nivyabandi a expliqué aux députés présents que le dit rapport est produit sur base de mensonges et rumeurs parce que même son ministère n'a pas été contacté par cette organisation internationale. Pour lui, ce rapport n'a d'autre objectif que de ternir l'image du Burundi. Il n'y a rien de spécial dans ce genre de rapport, surtout le rapport de FIDH. C'était question seulement de montrer qu'au Burundi, rien ne va, que ça a déjà dépassé les limites. Surtout, montrer que les droits de l'homme sont bafoués et que les institutions burundaises sont en train de préparer le pire des crimes, qui est le crime de génocide. Voilà l'objectif principal du rapport de la FIDH. Alors, ce rapport ne fait vraiment peur au gouvernement burundais. On sait bien qu'il a pour pour objectif de montrer une mauvaise image pour notre pays. La ministre de la Justice a quant à elle dit qu'aucun signe de génocide ne s'annonce au Burundi, mais que ceux qui ne cessent de le déclarer sont ceux-là même qui pourraient perturber la sécurité des Burundais restés au pays. Ce ne sont que des prétextes qui sont donnés par ces mêmes personnes qui disent qu'il y a génocide au Burundi. Plutôt, ces individus sont en train de préparer le génocide qui va décimer les gens qui sont restés au pays, qui ne les soutiennent pas. Faites attention, ils veulent éliminer les Burundais qui sont restés soudés en voulant construire leur pays. On doit barrer la route à tous les commanditaires du génocide. Les députés ont proposé à la ministre de la Justice de mettre en place l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, tel que stipulé dans les articles 274 et 276 de la Constitution du Burundi. Pour Aimé Laurentine Kanyana, cet observatoire ne devrait pas compter parmi les priorités du gouvernement, expliquant qu'aucun signe précurseur ne milite en faveur de la mise en place d'un tel observatoire. Elle martèle en suggérant que les fonds alloués à cette structure pourraient servir au financement des projets de développement du pays. Merci Francine. On reste à Kigobe pour vous dire que les nouvelles réformes de l'autonomie de gestion se trouvant dans le projet de loi sur le fonctionnement de la police n'auront aucun impact sur le budget général de l'État. Cette affirmation a été faite hier par le ministre de la Sécurité publique. C'était à l'Assemblée nationale, ce mercredi, et certains parlementaires avaient soulevé des craintes par rapport à cette autonomie de gestion de la police que propose le ministre Alain-Guillaume Bougnoni. Mireille Cagnac. Le nouveau projet de loi portant mission, organisation et fonctionnement de la police nationale, présenté ce mercredi par le ministre de la Sécurité publique à la Chambre basse du Parlement, prévoit l'autonomie de gestion de la police nationale. Certains parlementaires, dont Akeline Baranyizigiye, estiment que l'autonomie de gestion se justifierait par d'autres sources de revenus. Lorsque vous dites que vous voulez une autonomie de gestion, je croyais que ce ministère a d'autres sources de revenus. À ce que je sache, le ministère en soi reçoit des frais de fonctionnement de la part du ministère des Finances, si je ne me trompe. Si vous n'avez pas d'autres sources de revenus, je ne crois pas que vous aurez parlé d'autonomie de gestion. Si c'est comme cela, le ministère des Finances aura toujours son œil sur les frais donnés au ministère de la Sécurité publique. Au patron du ministère de la Sécurité publique de répondre que cette autonomie réclamée émane d'un constat sur terrain, ce qui nécessite rapidement des moyens, tout en se référant à l'ancienne organisation de la police de l'air et des frontières, PAF. Après avoir constaté ce qui se passe sur le terrain, nous avons vu que la police devrait jouir d'une dérogation sur l'autonomie de gestion pour qu'elle puisse avoir une poignée de souffle sur son fonctionnement, surtout pour avoir le nécessaire de façon rapide. Ici, rien ne se fera sans observer le code des marchés publics. Autre inquiétude, c'est l'impact budgétaire de nouvelles réformes contenues dans son projet de loi, tel que cela a été exprimé par Daniel Gelaz Ndabirabe. En ce qui est du budget, est-ce que le ministre peut nous expliquer l'impact budgétaire des réformes suivant son nouveau projet de loi? Aucun impact sur le budget de l'État, confirme le ministre Alain-Guillaume Bougnoni. Aucun impact budgétaire de ce projet de loi. En fait, c'est juste des petits changements pour le fonctionnement de la police, que ces démembrements soient bien organisés, mais que ce soit le personnel, les dirigeants, les dirigés, tous sont là. Il n'y aura pas de nouveaux organes nécessitant encore de moyens. Malgré de différentes craintes soulevées par ces parlementaires, ils ont approuvé ce projet de loi à l'unanimité. Merci Mireille Kanyang. On parle maintenant finances de l'État. L'Office burundais des recettes OBR a collecté plus de 570 milliards de francs burundais depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre 2016. Ces chiffres ont été fournis par le commissaire général de l'OBR ce jeudi lors d'un point de presse. Léonard Senhore a également indiqué que durant le seul mois de novembre 2016, l'Office a collecté 55 milliards de francs burundais. Suivez Léonard Senhore. Les recettes provisoires collectées par l'Office burundais des recettes au mois de novembre 2016 s'élèvent à 55,5 milliards de francs burundais. Ce montant est supérieur de 5,5 milliards de francs burundais aux prévisions initiales et qui sont fixées à 49,9 milliards de francs burundais, soit 11% de plus. Et par rapport au même mois de l'an 2015, et l'Office vient d'enregistrer une croissance de 10,18 milliards de francs bourg, soit 22,5%, passant de 45,32 milliards collectés en novembre 2015 à 55,5 milliards collectés en novembre courant. Si nous analysons les chiffres cumulés, les recettes collectées par Robert depuis le mois de janvier à novembre 2016 s'élèvent à 578,5 milliards de francs burundais. Et ces chiffres sont supérieurs aux prévisions, et ces prévisions qui étaient de 540,26 milliards de francs burundais. Donc, nous dépassons ces prévisions de 38,26 milliards de francs burundais, soit un taux de croissance de 7,1%. Et par rapport aux recettes correspondantes de l'année 2015, une augmentation de 55 milliards est enregistrée, et soit un pourcentage de 10,6%. Et les prévisions pour l'année 2015 étant de 523,001 milliards de francs burundais. Sur donc les 11 mois, nous pouvons dire que le taux de réalisation de la collecte des recettes jusqu'au mois de novembre 2016 est de 97%. Le commissaire général de l'OBR rappelle aux contribuables que le paiement des impôts n'est pas une corvée. L'objectif global de la journée du contribuable est de reconnaître solennellement l'apport incontournable des contribuables pour le développement de notre pays. Et quant aux objectifs spécifiques, je citerai notamment et remercier tous les contribuables, et primer les contribuables les plus conformes, encourager les contribuables défaillants à changer de comportement et enfin souder les relations existantes entre l'administration fiscale et les contribuables. Le civisme fiscal se renforce par l'éducation, un suivi et un encadrement sans relâche. C'est pourquoi la journée du contribuable sera une occasion pour les moins conformes de se rendre compte qu'il est possible de payer les impôts sans tomber en faillite et même prospérer. Et le fait de primer les meilleurs leur enverra un message que payer ses impôts n'est pas du tout une corvée, mais plutôt une noble tâche. C'était Léonard Senhore, commissaire général de l'OBR. Cet appel tombe au moment où le Burundi compte organiser la journée du contribuable, une journée qui sera célébrée mardi 6 décembre 2016. Et les propos du commissaire général de l'OBR ont été recueillis par Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certaines maisons de la zone Bouiza se sont déjà écroulées. D'autres sont menacées suite au drame de Kiriri, ses parents Bouiza et Nyakabiga, qui n'est plus fonctionnel parce que bouché. L'eau s'est déjà forgée en passage. Les habitants de Bouiza demandent à la mairie de Bujumbura de procéder à l'aménagement de ce drain pour que l'eau s'achemine vers la rivière Nahangwa. Alain Désiré Bukeneza a fait ce constat. Le drain, qui est apparemment considéré comme une rivière séparant les zones Nyakabiga et Bwiza, se jetait auparavant dans la rivière Nahangwa. Pour le moment, le drain est bouché à partir du niveau de la 5e avenue de la zone Bwiza. L'eau s'est déjà forcée en passage et elle passe au caniveau de la 9e avenue, continue à celui de la 8e avenue jusqu'à la station King Star, quitte à se déverser dans la rivière Nahangwa. Lorsque la pluie tombe, l'eau passe à travers les maisons. Certaines sont déjà écroulés et d'autres sont sous la menace. Cet habitant regrette que sa maison est démolie par l'eau pour la deuxième fois et que le problème a commencé en l'an 2007. Alors, ça fait au moins depuis 2007, la première maison a été endommagée. J'ai pu m'organiser pour construire une autre. Par après, vous voyez ici, Une autre maison que j'ai construite a été endommagée à cause de ce toc de la 9e avenue. Ces habitants de la zone Brisa qui disent avoir déjà enregistré beaucoup de dégâts demandent à la mairie de Bujumbura d'aménager le drain de Kiriri pour acheminer l'eau dans la rivière Nahangwa. Nous faisons recours à la mairie de Bujumbura pour qu'ils nous viennent en aide parce que ça fait longtemps que nous souffrons de ce taux qui continue à détruire nos maisons. Ça fait longtemps que nous avons demandé ça à la mairie. On a commencé par la zone et après on a demandé ça à la commune. Par après, on est allé à la mairie, mais en vain, on attend. Ces habitants de la zone Brisa disent avoir déjà eu une promesse de la part de la mairie de Bujumbura qu'ils ont attendu, mais en vain. Merci Alain Désiré Boukayeneza. Quelques nouvelles de Provence. Un mort et trois blessés. Tel est le bilan de l'effondrement de terrain sur un site d'exploitation de l'or à Gatovu, zone Mounagano, commune Muyinga, mercredi après-midi. Les administratifs de la localité demandent aux orpailleurs de se regrouper en coopérative capable de les faire assurer pour pallier à ces éventuels accidents. Dieudonné Zeyman. Dans des fossés profonds communément appelés Ibirombe sur la colline Gatovu, zone Mounagano, commune Muyinga, des orpailleurs y ont pénétré à la recherche de l'or mercredi après-midi, quand ils ont commencé à frapper sur les pierres afin de récolter des matières fines dans lesquelles ils recherchaient de l'or. Le terrain s'est écroulé sur le coup et l'orpailleur a rendu l'âme. Trois blessés ont été évacués vers les structures de santé, d'après Bernard Zinahora, chef de zone Mounagano. Pour cet administratif, c'est un accident survenu sur un site d'exploitation illégale. Il conseille à ses orpailleurs de se regrouper en coopérative capable de leur procurer un minimum d'équipements de protection tels les casques et penser à leur protection sociale par des assurances accidents. Un tel accident avait fait à mort à Kamaramagambo, cette fois-ci en commune Butihinda, vendredi de la semaine dernière. Le Denis Zeymana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Pour terminer ce journal, nous nous rendons à Gitega où environ 30 restaurants et débits de boissons de la ville de Gitega ont été fermés depuis ce lundi à cause du manque d'hygiène, comme le confirme Emmanuel Nguenda Kurio, responsable du département de la promotion de la santé dans la commune de Gitega. Les propriétaires de ces restaurants et bistrots fermés indiquent que ce commerce est représenté leur source de revenus et s'inquiètent du lendemain. C'est une information que nous devons à notre correspondant Arthur Kavabushi. Et c'est par là que nous terminons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle quelques grands titres. La ministre de la Justice rejette l'idée de mise en place d'un observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide. La proposition avait été faite ce matin par les députés qui avaient invité Mme Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, et Martin Nivyabandi, le ministre en charge des droits de l'homme, pour des questions orales en rapport avec le récent rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et nous sommes le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. La présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs, ANSS, regrette que la plupart des intervenants dans la lutte contre ce fléau ne concentrent plus suffisamment leurs efforts sur le volet et prévention. Vous avez suivi Jeanne Negapia. Alors que les effectifs des personnes vivant avec ce virus vont croissant en commune Vianda de la province Bururi à cause du concubinage, vous avez suivi également notre correspondant qui nous donnait cette information donnée par Dr Claudia Kaneza, la directrice de la clinique de Kigutu en commune Vianda. Et le projet de loi portant nouvelle réorganisation de la police burundaise, adopté hier par l'Assemblée nationale, contient malgré tout une disposition qui a été longuement débattue, à savoir l'autonomie de gestion de ce corps au regard de ses implications sur le budget général de l'État. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.